Marcel Schwab, Vies imaginaires. Le major Stead Bonnet, pirate par humeur. Le major Stead Bonnet était un gentilhomme retraité de l'armée qui vivait sur ses plantages dans l'île de Barbados vers 1715. Ses champs de cannes à sucre et de caféiers lui donnaient des revenus, et il fumait avec plaisir du tabac qu'il cultivait lui-même. Ayant été marié, il n'avait point été heureux en ménage, et on disait que sa femme lui avait tourné la cervelle. En effet, sa manie ne le prit guère qu'après la quarantaine, et d'abord ses voisins et ses domestiques y cédèrent innocemment. La manie du major Stead Bonnet fut telle. En toute occasion, il commença de déprécier la tactique terrestre et de louer la marine. Les seuls noms qu'il eut à la bouche étaient ceux d'Avery, de Charles Vane, de Benjamin Hornigold et d'Edward Teach. C'étaient, selon lui, de hardis navigateurs et des hommes d'entreprise. Ils écumaient dans ce temps la mer des Antilles. S'il advenait qu'on les nommait pirates devant le major, celui-ci s'écriait « Loué donc soit Dieu pour avoir permis à ces pirates, comme vous dites, de donner l'exemple de la vie franche et commune que menaient nos aïeux. Lors, il n'y avait point de possesseurs de richesses, ni de gardiens de femmes, ni d'esclaves pour fournir le sucre, le coton ou l'indigo. Mais un Dieu généreux dispensait toutes choses et chacun en recevait sa part. Voilà pourquoi j'admire extrêmement les hommes libres qui partagent les biens entre eux et mènent ensemble la vie des compagnons de fortune. » Parcourant ces plantages, le major frappait souvent l'épaule d'un travailleur. « Et ne ferais-tu pas mieux, imbécile, d'arrimer dans quelque flûte ou brigantine les ballots de la misérable plante sur les pousses de laquelle tu verses ici ta sueur ?» Presque tous les soirs, le major réunissait ses serviteurs sous les appentis à grains, où il leur lisait, à la chandelle, tandis que des mouches de couleur bruissaient autour, les grandes actions des pirates d'Hispaniola et de l'île de la Tortue. Car des feuilles volantes avertissaient de leurs rapines les villages et les fermes. « Excellent Vane ! » s'écriait le major. « Brave Hornigold ! Véritable corne d'abondance emplie d'or !» Sublime Avery, chargé des joyaux du grand Mogol et roi de Madagascar. Admirable Teach, qui a su gouverner successivement 14 femmes, étant débarrassé, et qui a imaginé de livrer tous les soirs la dernière, elle n'a que 16 ans, à tes meilleurs compagnons, par pure générosité, grandeur d'âme et science du monde, dans ta bonne île d'Ocker-Rococ. Oh, qu'heureux serait celui qui suivrait votre sillage, celui qui boirait son rhum avec toi, Barbe Noire, maître de la revanche du reine Anne. » Tout discours que les domestiques du major écoutaient avec surprise et en silence. Et les paroles du major n'étaient interrompues que par le léger bruit mat des petits lézards à mesure qu'ils tombaient du toit, la frayeur relâchant les ventouses de leurs pattes. Puis le major, abritant la chandelle de la main, traçait de sa canne, parmi les feuilles de tabac, toutes les manœuvres navales de ses grands capitaines, et menaçait de la loi de Moïse, c'est ainsi que les pirates nomment une bastonnade de 40 coups, quiconque ne comprendrait point la finesse des évolutions tactiques propres à la flibuste. Finalement, le major Steed Bonnet ne put y résister davantage. Et, ayant acheté une vieille chaloupe de 10 pièces de canon, il l'équipa de tout ce qui convenait à la piraterie, comme coutelas, arquebuse, échelle, planche, grappin, hache, bible, pour prêter serment, pipe de rhum, lanterne, suie à noircir le visage, poids, mèches à faire brûler entre les doigts des riches marchands, et force drapeaux noirs à tête de mort blanche avec 2 fémurs croisés et le nom du vaisseau, la Revanche. Puis il fit monter soudain à bord 70 de ses domestiques et prit la mer, de nuit, droit à l'ouest, rasant Saint-Vincent, pour doubler le Yucatan et écumer toutes les côtes jusqu'à Savannah, où il n'arriva point. Le major Steed Bonnet ne connaissait rien aux choses de la mer. Il commença donc à perdre la tête entre la boussole et l'astrolabe, brouillant artimon avec artillerie, misaine avec dizaine, boute dehors avec boute sel, lumière de caronade avec lumière de canon, écoutille avec écouvillon, commandant de charger pour carguer. Bref, tant agité par le tumulte des mots inconnus et le mouvement inusité de la mer, qu'il pensa regagner la terre de Barbados, si le glorieux désir de hisser le drapeau noir à la vue du premier vaisseau ne l'eût maintenu dans son dessein. Il n'avait embarqué nulle provision, comptant sur son pillage. Mais la première nuit, on n'aperçut pas les feux de la moindre flûte. Le major Steed Bonnet décida donc qu'il faudrait attaquer un village. Ayant rangé tous ses hommes sur le pont, il leur distribua des coutelas neufs et les exhorta à la plus grande férocité. Puis fit aborder un baquet de suie, dont il se noircit lui-même le visage, en leur ordonnant de l'imiter, ce qu'ils firent non sans gaieté. Enfin, jugeant d'après ses souvenirs qu'il convenait de stimuler son équipage avec quelques boissons coutumières aux pirates, il leur fit avaler à chacun une pinte de rhum mêlée de poudre, n'ayant point de vin, qui est l'ingrédient ordinaire en piraterie. Les domestiques du major obéirent, mais, contrairement aux usages, leur figure ne s'enflamma pas de fureur. Ils s'avancèrent avec assez d'ensemble à bâbord et à tribord, et, penchant leur face noire sur les bastingages, offrirent cette mixture à la mer scélérate. Après quoi, la Revanche étant à peu près échouée sur la côte de Saint-Vincent, ils débarquèrent en chancelant. L'heure était matinale, et les visages étonnés des villageois n'excitaient point à la colère. Le cœur du major lui-même n'était pas disposé à des hurlements. Il fit donc fièrement l'emplette de riz et de légumes secs avec du porc salé, lesquels il paya, en façon de pirate et fort noblement, lui sembla-t-il, avec 2 barriques de rhum et 1 vieux câble. Après quoi, les hommes réussirent péniblement à remettre la Revanche à flot. Et le major Steed Bonnet, enflé de sa première conquête, reprit la mer. Il fit voile tout le jour et toute la nuit, ne sachant point de quel vent il était poussé. Vers l'aube du second jour, s'étant assoupi contre l'habitacle du timonier, fort gêné de son coutelas et de son espingole, le major Steed Bonnet fut éveillé par le cri « Ohé, de la chaloupe !» Et il aperçut à une encablure le bout dehors d'un vaisseau qui se balançait. Un homme très barbu était à la proue, un petit drapeau noir flottait au mât. « Is notre pavillon de mort ! » s'écria le major Steed Bonnet. et, se souvenant que son titre était d'armée de terre, il décida sur-le-champ de prendre un autre nom, suivant d'illustres exemples. Sans aucun retard, il répondit donc: « Chaloupe la revanche, commandée par moi, capitaine Thomas, avec mes compagnons de fortune. » Sur quoi l'homme barbu se mit à rire. « Bien rencontré, compagnon, dit-il, nous pourrons voguer de conserve. Et venez boire un peu de rhum à bord de la revanche de la reine Anne. » Le major Stede Bonnet comprit tout de suite qu'il avait rencontré le capitaine Teach, Barbe Noire, le plus fameux de ceux qu'il admirait. Mais sa joie fut moins grande qu'il ne l'eût pensé. Il eut le sentiment qu'il allait perdre sa liberté de pirate. Taciturne, il passa sur le bord du vaisseau de Teach, qui le reçut avec beaucoup de grâce, le verre en main. « Compagnon, dit Barbe Noire, tu me plais infiniment, mais tu navigues avec imprudence, et si tu m'en crois, capitaine Thomas, tu demeureras dans notre bon vaisseau, et je ferai diriger ta chaloupe par ce brave homme très expérimenté qui s'appelle Richards. Et sur le vaisseau de Barbe Noire, tu auras tout loisir de profiter en la liberté d'existence des gentilshommes de fortune. » Le major Stede Bonnet n'osa refuser. On le débarrassa de son coutelas et de son espingole. Il prêta serment sur la hache, car Barbe Noire ne pouvait supporter la vue d'une Bible, et on lui assigna sa ration de biscuits de rhum, avec sa part des prises futures. Le major ne s'était point imaginé que la vie des pirates fût aussi réglementée. Il subit les fureurs de Barbe Noire et les affres de la navigation. Étant parti de Barbados en gentilhomme, afin d'être pirate à sa fantaisie, il fut ainsi contraint de devenir véritablement pirate sur la revanche de la reine Anne. Il mena cette vie pendant 3 mois, durant lesquels il assista son maître dans 13 prises, puis trouva moyen de repasser sur sa propre chaloupe, la revanche, sous le commandement de Richards. En quoi il fut prudent, car la nuit suivante, Barbe Noire fut attaquée à l'entrée de son île d'Ocracoke par le lieutenant Maynard, qui arrivait de Bathtown. Barbe Noire fut tuée dans le combat, et le lieutenant ordonna qu'on lui coupât la tête et qu'on l'attachât au bout de son beau pré, ce qui fut fait. Cependant, le pauvre capitaine Thomas s'enfuit vers la Caroline du Sud et navigua tristement encore plusieurs semaines. Le gouverneur de Charlestown, averti de son passage, délégua le colonel Rhett pour s'emparer de lui à l'île de Sullivan's. Le capitaine Thomas se laissa prendre. Il fut mené à Charlestown en grande pompe, sous le nom de Major Stede Bonnet, qu'il réassuma sitôt qu'il le put. Il fut mis en geôle jusqu'au 10 novembre 1718, où il comparut devant la cour de la vice-amirauté. Le chef de la justice, Nicholas Trott, le condamna à mort par le très beau discours que voici. « Major Stede Bonnet, vous êtes convaincu de 2 accusations de piraterie, mais vous savez que vous avez pillé au moins 13 vaisseaux, en sorte que vous pourriez être accusé de 11 chefs de plus, mais 2 nous suffiront, dit Nicholas Trott, car ils sont contraires à la loi divine qui ordonne « Tu ne déroberas point », Exode 20:15, et l'apôtre saint Paul déclare expressément que « Les larrons n'hériteront point le royaume de Dieu » 1 Cor 6:10. « Mais encore êtes-vous coupable d'homicide, et les assassins, dit Nicholas Trott, auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Apocalypse 21:8. Et qui donc, dit Nicolas Trott, pourra séjourner avec les ardeurs éternelles? Esaïe 33, 14. Ah, Majesté de Bonnette, j'ai juste raison de craindre que les principes de la religion dont on a imbu votre jeunesse, dit Nicolas Trott, ne soient très corrompus par votre mauvaise vie et par votre trop grande application à la littérature et à la vaine philosophie de ce temps. Car si votre plaisir eût été en la loi de l'Éternel, dit Nicolas Trott, et que vous l'eussiez médité nuit et jour, psaume 1, 2, vous auriez trouvé que la parole de Dieu était une lampe à vos pieds et une lumière à vos sentiers. Psaume 119, 105. Mais ainsi n'avez-vous fait. Il ne vous reste donc qu'à vous fier sur l'agneau de Dieu, dit Nicolas Trott, qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Qui est venu pour sauver ce qui était perdu. Matthieu 18, 11. Et a promis qu'il ne jettera point dehors celui qui viendra à lui. Jean 6, 37. En sorte que si vous voulez retourner à lui, quoique tard, dit Nicolas Trott, comme les ouvriers de la 11e heure dans la parabole des vignerons, Matthieu 20, 6, 9, il pourra encore vous recevoir. Cependant, la cour prononce, dit Nicolas Trott, que vous serez conduit au lieu de l'exécution où vous serez pendu par le col jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le major Stead Bonnet, ayant écouté avec componction le discours du chef de la justice, Nicolas Trott, fut pendu le même jour à Charlestown comme larron et pirate.